السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم سندخل في حديثين جديدين من هذا الكتاب، وهما الحديث 63 64. Aujourd'hui, on va prendre deux nouveaux hadiths dans ce livre après les deux précédents, dont l'un concernait Al-Ihsan, que Allah a écrit l'Ihsan en toute chose, donc tout ce qu'on doit entreprendre doit être bien fait, de façon correcte. Et en donnant l'exemple du sacrifice, que l'animal doit être apaisé et que la lame doit être affûtée. ثم أخذنا حديث عن تحريم الحمور الإنسانية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخرب من الطير. Ensuite, on a pris le hadith qui indiquait certaines viandes illicites. On avait dit que la base dans les viandes, lorsqu'il y a, c'est qu'elles sont, les animaux nous sont licites à part ceux qui ont été spécifiés par un texte. وكذلك اللحم ما يحل لنا إلا بشروط. Et que la viande ne nous est rendue licite qu'avec des conditions. Que l'animal ait été égorgé au nom d'Allah Azzawajal, par un muslim ou par un kitabi. طيب. الآن نأخذ الحديث والحديث 63 حديث. عن أبي عباس عن ابن العباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء متشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل a maudit les hommes qui ressemblent aux femmes ainsi que les femmes qui ressemblent aux hommes. Donc le fait que ce hadith يقول لعن الله, que Allah a maudit, cela indique qu'il s'agit d'un grand péché. Il s'agit d'un grand péché qui est sous la menace de la malédiction. يقول المصنف رحمه الله تعالى الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله إما لذاته كالمغضوب والمغصوب وما خبث ما مكسبه في حق الرجال والنساء ومن التخصيص ليحل بحادث فين. Donc la base dans les choses communes de ce bas monde, c'est la permission. Et que nous ferons interdit que ce qu'Allah Azzawajal a rendu interdit, ainsi que son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Soit une chose sera interdite pour elle-même, ou soit pour une cause menant à une chose qui sera interdite. Et que chacun des deux genres ont eu des choses qui ont été, des choses qui leur sont communes à tous les deux, et ça c'est la base, puis des choses sont venues pour être attribué à chacun des deux. مثلا كما أباح الشارع لباس الذهب والفضة والحرير للنساء وحرمه على الرجال. Par exemple, que cette législation a rendu permis à la femme de porter de l'or, de porter de l'argent, et de porter de la soie. Et cela est interdit aux hommes. Cela a été interdit aux hommes. Et le harir, par contre, lui a été autorisé dans les cas spécifiques, comme par exemple une personne qui souffrirait d'une maladie de la peau, serait atteinte de démangeaison ou autre, et que seule la soie pourrait soulager. Là, c'est une exception. كما حصل مع بعض الصحابة كما سوليت عيبك ستا صحابة أكيد النبي صلى الله عليه وسلم يفوتوريزي لبورتي دو الأسوأ. وأما تحريم مشارع تشبه للرجال بالنساء والنساء بالرجال فهو عام باللباس والكلام وجميع الأحوال. Et quant à la traduction aux deux genres de ressembler l'un à l'autre, cela est général, qu'il s'agisse des vêtements, qu'il s'agisse du parler, dans toute situation. Ce n'est pas que dans le vêtement, même dans la façon de parler, dans la façon de marcher, dans plusieurs choses, l'homme ne peut faire ce qui est spécifique à la femme et la femme ne peut faire ce qui est spécifique à l'homme. يقول فالأمور ثلاثة أقسام les choses divisées en trois. قسم مشترك بين الرجال والنساء من أصناف اللباس وغيره فهذا جائز للنوعين لأن الأصل الإباحة ولا فيه تشبه. Donc maintenant la première catégorie c'est les choses qui sont communes aux deux genres parmi les vêtements. Il y a des vêtements que les deux gens peuvent porter. Car à la base, qu'on a dit dans les choses mondaines, c'est la permission. D'accord ? مثلاً, les chaussures. مثلاً, les chaussures de sport que beaucoup de gens portent ici. En général, il y a ce qui est mixte. Après, c'est vrai qu'il y a des... il y a certains modèles qui sont propres à la femme. Mais généralement, ce qui est propre à l'homme, on voit que la femme peut le porter également. Mais il y a des chaussures qui sont propres à la femme, parmi ces chaussures-là. Et tu as des chaussures qui, elles, sont propres à la femme, et d'autres qui sont propres à l'homme. Et des chaussures qui sont propres à la femme et qui sont interdites pour la femme, comme par exemple les talons hauts. Les talons hauts, ça c'est propre à la femme, malgré cela, en islam, cela n'est pas permis, car cela amène à tricher sur la taille, à donner une forme du corps qui n'est pas la sienne, et également cela l'expose à se faire mal en marchant avec ce genre de talons. Car il y a un hadith qui est venu que Allah Azzawajal, ou fi'ad al-ma'na, لورينات امرأة من بني إسرائيل كانت تمشي بين امرأتين كبيرتين بكعب من الخشب. Une femme des بني إسرائيل, si je me rappelle bien du hadith, il est rapporté par un muslim, soit elle a été maudite, ou soit en tout cas elle a reçu un blâme du fait qu'elle, comme elle était petite de taille, et elle marchait entre des femmes plus grandes qu'elle, elle mettait du bois sous ses chaussures pour paraître plus grande. Et cela lui a valu, soit, je ne me rappelle plus du terme du hadith, soit la malédiction, ou soit en tout cas un blâme. Et ces talons reviennent à ça. Ces talons donnent une taille à la femme qui n'est pas la sienne. Entre autres. يقول وقسم مختصم برجال لا يحل للنساء. Et maintenant, une forme de vêtement qui est propre aux hommes seulement, qui n'est pas permis aux femmes. مثلا, une femme ne va pas porter le camis d'un homme. مثلا, la femme ne portera pas la imama d'un homme. Il y a des vêtements, tout à l'heure j'ai oublié de préciser, qui sont spécifiques pour les deux, comme le hizar. Le pagne que l'on porte, bon en France c'est pas porté, mais une femme peut porter un pagne. Après il y a peut-être des genres, des modèles qui sont propres à l'homme, d'autres qui sont propres à la femme. La femme j'en ai jamais vu. Mais par exemple la femme dans sa maison, elle peut porter le hizar de son mari. Ou également les sarawil qui sont larges, que les hommes portent, et je ne parle pas des sarawil fashion qui se font aujourd'hui, qui ressemblent plus à des pantalons qu'autre chose. Je parle des sarawil de base qui sont connus, très amples dans l'entrejambe, et qui arrivent, eux, au-dessus des chevilles. Et ces sarawil-là, Cheikh Mokbil dit que la femme peut les porter. Maintenant, elle va les porter où ? Sous ses vêtements. Sous ses vêtements. D'accord ? Ça ne va pas sortir en sarawil dans la rue comme ça, avec ce genre de sarawil. Maintenant, qu'il y a des sarawil, j'ai vu que des femmes portent, qui sont sous leur khimar, qui est shari. Il est très ample, il est très large, et il descend tout en bas, il couvre le corps, et il rentre dans le libes shari, mais il s'appelle un sarawil, et ils appellent ça sirouel. C'est un sarawil. Mais ce sarawil-là, par contre, que la femme porte, celui-ci, il est connu comme étant un vêtement de femme, donc je doute qu'un homme puisse le porter. Donc il y a des vêtements qui sont propres aux hommes, et pas pour les femmes. D'accord ? Et qu'est-ce mortasum bin nisa la yahil les rigel. Et maintenant, des formes de vêtements qui sont propres à la femme et interdits aux hommes. Le khimar que la femme apporte, les abaya que la femme apporte, les robes ou les jupes qu'elle peut porter, ce genre de choses, l'homme ne le porte pas. D'accord ? Que ce soit les vêtements d'extérieur ou les vêtements d'intérieur. Et souvent, on verra une femme plus pour la femme que pour l'homme. On verra une femme pouvoir mettre plus de vêtements que les hommes portent que le contraire. Le choix des vêtements pour hommes, on va en trouver plus de catégories que la femme pourra mettre que le contraire, comme vous pouvez le constater. Et il y a des vêtements qui sont interdits pour les deux. Il y a des vêtements qui sont interdits pour les deux. Selon la voie authentique, par exemple, le pantalon. Le pantalon n'est permis ni pour l'homme ni pour la femme. Car à la base, c'est un vêtement qui amène, comme l'auteur va le citer à la fin, une autre catégorie de ressemblance qui est interdite, c'est la ressemblance au kuffar. D'accord ? Non. A aussi un vêtement qui est permis pour l'homme et pas pour la femme, et du moins à l'extérieur, parce qu'il y a aussi des règles qui font que ce que la femme porte dehors, il y a des vêtements qui lui sont permis, mais dehors, elle ne s'habillera pas comme à la maison. car elle doit se couvrir. Et par exemple, ce qu'on appelle tout ben en arabe sont les shorts, en fait, les bermudas. Bermuda, pour un homme, c'est permis. Faut pas qu'il soit trop serré non plus. Et il peut sortir avec, selon l'avis qui permet de sortir en sarawil. Et je sais que nos machins du Yémen voient que c'est pas permis, là-dessus, je sais pas de leur avis. Je vois qu'un homme peut marcher en sarawil s'il est large ou quoi. Ou en tout ben s'il est large également. Et mais bien évidemment, cela pour la femme ne sera pas permis. يقول من حكمة في النهي عن التشبع أن الله تعالى جعل للرجال على النساء درجة وجعلهم قوامين على النساء وميزهم بأمور قدرية وأمور شرعية فقيم هذا التميز وثبوت فضيلة الرجال على النساء مقصود شرعا وعقلا فتشبع الرجال بالنساء يهبط بهم عن هذه الدرجة الرفيعة وتشبع النساء بالرجال يبطل التميز. Donc maintenant la sagesse d'interdire à l'un des genres de ressembler à l'autre, c'est qu'Allah Azzawajal a donné aux hommes un degré plus élevé que celui de la femme. Il a donné autorité aux hommes sur la femme et les a distingués de choses universelles comme de choses légiférées, que les hommes seuls peuvent faire et que les femmes n'ont pas à faire, tant qu'elles ne sont pas contraintes de le faire. Et justement, ces fonctions que Allah a accordées à l'homme sont un mérite qu'il leur donne par rapport à la femme, dans certains points. Ce n'est pas dans tout. Il y a des choses que la femme fait qui sont méritoires pour elle et qui ne reviennent pas aux hommes également. Ils sont très importants et ils sont indispensables pour la Ummah que les hommes n'ont pas à faire, que c'est la femme qui s'en charge. Donc cela est un besoin shal'an wa aklan. C'est une chose que la raison conçoit ainsi que la législation. Donc le fait qu'un homme ressemble à une femme, cela a justement à rabaisser de ce rang qu'elle a lui accordé. Et que la femme ressemble à un homme, cela amène à annuler la distinction entre les deux. L'homme est attiré par le côté féminin, la féminité. Et la femme est attirée par la masculinité. Et chacun des deux genres se particularise par des choses. Même dans la démarche, même dans la façon de parler, même dans la façon de se tenir. Il y a des différences. L'homme a une façon de marcher que la femme n'aura pas. Quand on voit une femme marcher comme un homme, ça se voit tout de suite. On dit elle marche comme un homme. Quand on voit un homme qui marche comme une femme, ça se voit tout de suite. On dit c'est un inféminin, lui marche comme une femme. Même dans la façon de s'asseoir, dans la façon de tenir les mains, dans les gestuels, il y a une distinction entre la virilité et la féminité. Ça se voit. D'accord ? Cela se voit, est apparent. وأيضا تشبه الرجال بالنساء بالكلام واللباس نحو ذلك من أسباب التخنص وسقوط الأخلاق ورهبة التشبه بالنساء في الاختلاط بهن الذي يخشى منه المحظور وكذلك بالعكس. Aussi, il y a dans le parler, d'accord, la façon de parler, un homme ne parle pas comme une femme, tout comme une femme ne parle pas comme un homme. On ne parle pas de vocabulaire ou quoi, on parle dans le ton qui est employé, dans la façon de parler. La femme aura une façon de parler qui sera plus douce. L'homme, lui, par exemple, la voix de la femme n'est pas une aura. Mais la femme, par exemple, même si un homme enjolive sa voix, ça ne fera rien. Par contre, la femme ne peut enjoliver sa voix et la doucir ou quoi, en parlant à un homme étranger, car cela joue sur lui. Quant à la voix de l'homme en elle-même, quelle qu'elle soit, là-dessus, ce n'est pas un problème. Il peut crier, il peut parler doucement ou quoi, ça ne fait rien. Mais la voix de la femme est différente. Mais la voix de la femme n'est pas une aura. Il faut le savoir, une femme peut parler à un homme. Mais quand elle parle à un homme, comme encore le Ta'ala, ou la Ta'adarna bil-Kaul, de ne pas enjolever sa voix ou de l'adoucir. D'accord ? Et là, on parle des femmes avec des hommes étrangers. Donc tout cela, cette ressemblance, amène, par exemple, un homme qui sera efféminé sera un homme qui perdra de sa valeur. Et un homme qui sera rabaissé. Et cela est humiliant pour lui. Un homme efféminé, cela est rabaissant pour lui. Et également, une femme masculine, cela est rabaissant pour elle. Et il dit parmi les causes qui amènent à ce que les deux genres arrivent à se ressembler, c'est l'irtilat, la mixité qui est entre les deux. Quand les hommes et les femmes se mélangent sans besoin, et sans réelle nécessité, comme on le voit dans les rues tous les jours, en toute situation, et ben cela amène à ce que, en se mélangeant, on finit par ressembler à ceux à qui on se mélange. Ça, c'est une chose qui qadara. Mathalan, tu verras des gens, quand les musulmans se mélangent aux koufars, ils finissent par leur ressembler. Et quand les koufars se mélangent aux musulmans, ils finissent par s'améliorer, mine de rien. Ainsi de suite. Donc, il en est de même, lorsque des hommes et des femmes se mélangent et vivent ensemble au quotidien et autres, ils vont finir par s'influencer l'un sur l'autre. Et aujourd'hui, on voit des femmes qui sont parmi les modes d'avoir des coupes d'hommes, de s'habiller comme des hommes, de parler comme des hommes. Et le contraire également. On voit des hommes, par exemple, je vois ici en France, là, les hommes sont très efféminés. Dans leur coupe de cheveux, dans les vêtements qu'ils portent, dans les couleurs. Ils portent des bijoux. Mais je parle même de frères. Ils portent des colliers, ils portent des gourmettes. Ce genre de choses qui sont parmi les spécificités des femmes. D'accord ? Les cheveux, comment. Il y en a même, je vois qu'il y a des hommes, là, c'est pas des frères, des hommes qui se maquillent. D'accord ? Des hommes qui font des choses. Ils s'épilent les sourcils, ils vont faire de la manicure, et leurs ongles, ils sont je ne sais comment. Voilà, azoubillah, c'est écœurant à voir. C'est écœurant à voir. De voir des hommes agir de la sorte. يقول وهذه معاني شرعية حفظ مراتب الرجال ومراتب النساء. Donc toutes ces règles sont venues pour préserver le rang de chacun, que la femme reste à son rang de femme et que l'homme reste à son rang d'homme. D'accord? Car chacun doit garder la place qu'Allah Azza wa Jalla lui a attribuée et qu'on doit mettre les gens au statut qu'Allah leur a accordé, tous. Même entre hommes, il y a des statuts qui se diffèrent, on doit mettre chacun à sa place. Entre femmes, c'est pareil. Donc, qu'un homme prenne la place d'une femme, ou la femme prenne la place d'un homme, cela sont des choses qui sont réprouvées. Après, il y a des cas où c'est parfois inévitable, mais cela doit être occasionnel. Comme par exemple, ce fut le cas de Moussa alayhi salam dans son histoire avec Saleh et ses deux filles, qui allaient faire paître les moutons et allaient abreuver les moutons. Mais restaient à l'écart des hommes. Et ils ont expliqué pourquoi, car leur père était un homme âgé, donc elle n'avait pas de frère, donc il n'y avait qu'elle qui pouvait s'en occuper. Mais une fois que Moussa alayhi salam est venu, et qu'il était présenté au père des filles, c'est là qu'elles ont dit, lui, regarde, il est fort, il est fiable, qu'il s'occupe de cela. Elles ont trouvé, à ce moment-là, une issue. Mais avant cela, elle n'en avait pas. D'accord ? Elle n'en avait pas. Donc, une femme qui est amenée à des fois à faire des choses qui sont du rôle de l'homme, quand elle n'a pas le choix, à la première occasion qu'elle puisse cesser, qu'elle le fasse, par exemple à un mariage. Elle est célibataire, mais elle doit faire des choses que seul l'homme, à la base, les choses que l'homme doit faire. Et dès qu'elle se marie, elle dit ça, maintenant c'est à toi de le faire. Moi je ne peux plus le faire, je n'ai plus de raison de le faire, il n'y a plus d'arroula pour moi, c'est à toi de t'en occuper. Et pour les hommes, pareil. Des fois on peut voir peut-être des hommes qui sont amenés à s'occuper de leurs enfants d'une façon... qui revient à un rôle de la femme. Bon, il va pas allaiter, il va pas, ça, c'est, il peut pas le faire. Mais par exemple, changer les couches, ce genre de choses. Bon, il y a des hommes pour qui c'est pas un mal, mais de base, ça c'est le travail des femmes, mathalan. Et bon, au moment où la femme est là et qu'elle peut le faire, c'est elle de le faire. Après, c'est pas haram qu'un homme change des couches, mais c'est pas une marque de virilité. Vous verrez que dans les pays arabes, vous verrez jamais un homme changer les couches de son enfant. Dans les pays d'islam, vous le verrez pas. Ça, on a pris ça chez les koufars en général. D'accord. Mais en réalité, vous allez voir dans les pays arabes, vous ne verrez jamais les hommes changer les couches des enfants. Jamais. Ça, c'est une chose qui n'est pas dans leur coutume. Ça, c'est une chose que la femme va faire. Mais d'autres choses que l'homme fera, que la femme ne fera pas. Également. Que aussi, on verra des femmes faire, que dans les pays arabes, vous verrez les femmes jamais le feront. Jamais le feront. Non. Et il dit, l'auteur, si tu veux voir justement les conséquences du mal de la ressemblance de genre l'un envers l'autre, regarde notre époque. Et le Shir, il a parlé de ça, c'était il y a combien de temps? Peut-être il y a une quarantaine d'années, cinquantaine d'années. Que dirait-il d'aujourd'hui? Avec ce qu'on appelle maintenant les transgenres, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il dirait? Maintenant, ce n'est plus une ressemblance, c'est carrément l'un veut prendre la place de l'autre et veut prendre le sexe de l'autre. Et Inch'Allah, prochainement, il y a un petit audio de Shir Abdelhamid qui parle de cela, des règles propres à l'islam par rapport à ça, aux transgenres, et Inch'Allah, elles seront traduites et diffusées Inch'Allah, sur une vidéo, pour rappeler les règles. Et bien sûr, c'est une chose qui est en religion qui n'est pas acceptée. D'accord ? Déjà, rien que l'acte commis, l'acte des hommes entre eux, des femmes entre elles, alors que dire qu'un homme devienne une femme ou une femme devienne un homme ? Et en réalité, ne devienne ni, l'homme ne deviendra jamais une femme quoi qu'il fasse, et la femme ne deviendra jamais un homme quoi qu'elle fasse. Et je me rappelle, j'ai eu une fois un débat entre même des koufars qui réprimandent cela, qui réprouvent cela, parce que la plupart des koufars n'acceptent pas cela. On fait croire, mais il y en a la plupart, parce que c'est une chose qui, vraiment, qui va contre nature. Il y en avait un qui avait dit qu'il avait parlé, qui parlait à un transgenre, et disait quoi que tu fasses, tu resteras un homme. Quoi que tu fasses. Et il dit, si demain tu venais à mourir, enfin tu vas mourir, et qu'on retrouve ton squelette dans plusieurs années, les scientifiques diront, ça c'est un homme. C'est l'ADN et la structure osseuse, c'est celle d'un homme. Quoi que tu fasses, tu seras classé comme étant un homme. Et la femme, pareil. Quoi qu'elle fasse, comme opération chirurgicale ou autre, comme changement sur son physique de façon superficielle, quand elle sera morte et qu'on sortira son squelette, on dira, ça c'est le squelette d'une femme. Ça, c'est indiscutable. À part certains qui ont, des fois, ça arrive que des hommes ont une ils sont mal formés, ou la femme pareil, mais ça, c'est des choses rares. Des cas rares. Même par l'ADN, ils peuvent dire, ça, c'était un homme, ça, c'était une femme. Quoi qu'il ait fait comme opération, et qu'il était un monsieur qui s'appelait madame, ou une madame qui s'appelait monsieur, hein, Paul qui est devenu Paula, ou Stéphane qui est devenu Stéphanie, toutes ces choses-là, ça changera rien. Ils ne regarderont pas ça, ils vont regarder ton anatomie, ils vont dire, ça, c'était un homme, ça, c'était une femme. C'est tout. Donc aujourd'hui, on arrive à ce stade-là. De laisser aux gens le choix du sexe qu'ils veulent avoir. Et ce choix-là, en réalité, ils pensent l'avoir, mais ne l'ont pas. Quoi qu'ils fassent, ils ne l'auront pas. Voilà le moustarin. Et il dit, « وَيُشْبِهُ هَذَا وَأَشَدْ مِنْهُ تَشَبُّهُ الْمُسْلِمِينَ بِالْكُفَّارِ فِي أُمُورِهِمْ الْمُخْتَصَّةَ بِهِمْ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وفإن تشبه الظاهر يدعو إلى تشبه الباطن. Donc il a dit, et parmi les pires formes de tashabbuh qu'ils puissent avoir de ressemblance, c'est celle des musulmans avec les koufars dans ce qui est propre aux koufars. Parce que pareil, il y a des choses qui sont communes et des choses qui sont spécifiques. Et vous allez voir qu'en vivant dans les pays de koufre, ces choses spécifiques finissent par disparaître. Et aujourd'hui, dans beaucoup de cas, on n'arrive même plus à distinguer qui est le musulman et qui est le kafir. Dans ces pays-là. On le constate. On n'arrive plus à distinguer qui est le musulman et qui est le kafir. Malheureusement. Et de fil en aiguille, ça va s'empirer. De génération en génération, ça va s'empirer. Dans le parler, dans la façon de s'habiller, dans le mode de vie, tout. Les musulmans perdent leur identité islamique dans ce genre de pays. Ça, c'est une chose qui est flagrante et qui est évidente. Et il dit, la ressemblance extérieure amènera une ressemblance intérieure. Ça veut dire quoi? Qu'au final, le musulman qui reste dans cette situation-là va finir par même apostasier et devenir comme les koufars. Et je vous l'avais déjà répété, cette fatwa de Cheikh Al-Albani qui lui voit que la hijra est obligatoire dans l'absolu. Il a dit, même dans un pays de koufre dans lequel tu peux faire ta religion, il voit qu'il faut que tu partes parce que de fil en aiguille, les générations vont finir par changer, se mélanger, et les musulmans vont se fondre dans la masse des koufars, et on ne finira pas plus en distinguer. Et ça, c'est vrai ce qu'il dit, ça tient debout ce qu'il dit. Si toi, tu arrives à échapper à leur mal, on va dire partiellement, ce que tu vas jamais échapper totalement, tes enfants n'y échapperont pas. Tes enfants n'y échapperont pas. Et tes petits-enfants, encore moins, ainsi de suite, de génération en génération, parce qu'un jour, on va finir par avoir des gens qui auront peut-être un nom de famille musulman, et le prénom sera prendre kafir. Et ils vivront comme les koufars. Ils diront, oh, j'avais un grand-père, oui, à ce qu'il paraît, il était barbu, comme ceci, comme cela. Ou une grand-mère qui était comme ça, qui portait le khimar, qui portait le voile. Voilà. Sinon, tout le reste, il y aura peu de différence. Aujourd'hui, on voit les enfants des frères, comment ils sont. Si on ne voit pas leurs parents à côté, on ne sait pas que ce sont des petits musulmans. À part peut-être s'ils sont arabes. D'accord? Ou certains. Sinon, on ne voit pas la différence. Aucune différence. Demain, tu mets dans une classe d'école, tu rentres, tu dis qui est le musulman, qui est le kafir, tu pourras pas distinguer entre eux. Ils sont tous les mêmes. Pareil. Et les koufars, c'est ça qu'ils veulent. Que l'on devienne comme eux. C'est pour ça qu'ils font leur loi, pour interdire ce que vous savez, pour que les musulmans finissent par devenir comme eux. Non. فَبِهَادَ كَمَلْنَا دَ الْحَدِيثِ وَثُمَّ نَتْرُوفِ الْحَدِيثِ أَرَبِيَ وَسِتِّينَ 64e حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء رواه البخاري والإنزال هنا بمعنى التقدير. Donc selon Abu Huraira, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah n'a pas fait descendre un mal, c'est-à-dire une maladie, sans qu'il n'ait apporté avec le remède, la guérison, apporté par Al-Bukhari. Et dans une version, Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Et l'auront su, c'est-à-dire reconnu ce remède, ceux qui l'auront su, et l'auront ignoré, ceux qui l'auront ignoré. Mais c'est-à-dire que le remède, il existe. Chaque maladie a un remède. Cependant, Allah ne nous a pas forcément donné le savoir de l'atteindre. Et le remède existe. Il n'y a aucune maladie incurable. Cela n'existe pas. Mais elle nous est incurable à nous, de façon relative du fait qu'on ignore quel en est le remède. Mais le remède existe. يقول وفي هذا الحديث إثبات القضاء والقدر وإثبات الأسباب. Donc ce hadith affirme l'existence du décret et du destin et des causes. Et des causes, car il faut agir. قد تقدم أن هذا الأصل العظيم ثابت بالكتاب والسنة ويؤيده العقل والفطرة. Donc ce fondement existe, il est appuyé par le livre et la Sunna. Et également, cela est soutenu par la raison et la nature saine, la fitra. Tout cela va ensemble, tout coordonne. فالمنافع الدينية والدنيوية والمضار كلها بقضاء الله وتقديره فقد أحاط بها علما وجرى بها قلمه ونفذت بها ماشيته ويسر العباد لفعل الأسباب التي توصلها إلى المنافع والمضار فكل ميسر لما خلق له من مصالح الدين والدنيا ومدارهما والسعيد من يسره الله لأيسر الأمور وأقربها إلى رضا الله وأصلحها لدينه ودنياه والشقي من انعكس عليه والشقي من انعكس عليه الأمر. Il dit que tout ce qui profite dans cette dunya et tout ce qui nuit de façon dunya ou de façon religieuse, tout cela provient du décret d'Allah et de ce qu'il a prédestiné. C'est des choses que Allah Azzawajal, il a voulu qu'elles existent. Tout ce qui existe, c'est Allah qui l'a créé. D'accord ? Allah a créé toutes choses. Et Allah Azzawajal, il les a scellés de son savoir. D'accord ? Allah Azzawajal a scellé tout cela de son savoir. Et tout cela a été écrit. Et que sa volonté l'a voulu. Et ensuite, il a facilité aux serviteurs les causes qui les font parvenir justement à ce profit ou à cette nuisance. Ils ont devant eux les causes qui vont les emmener soit à ce qui leur profite ou soit ce qui pourra leur nuire. Par exemple, les musulmans, les gens de l'islam, ont les causes devant eux pour leur permettre d'aller au paradis. Et les kuffars, ils ont devant eux les causes qui leur facilitent d'aller au feu. Ou à Kaza. Les gens parmi les musulmans qui aiment la perversité, Allah leur facilite cela, leur donne accès. Quant aux autres, Allah Azzawajal, peut-être qu'il les préserve de bien des maux, déjà par l'application de la religion, en délaissant les péchés et autres. D'accord ? C'est des choses que vous allez voir. Donc le bienheureux, c'est celui à qui Allah Azzawajal a facilité les causes qui l'amènent justement à ce bonheur. Et l'autre, le malheureux, est celui à qui Allah Azzawajal a facilité les causes qui l'amènent à son malheur. Mais quoi qu'il en soit, le serviteur reste lui-même responsable de ses choix. D'accord ? Il reste responsable de ses choix. Le bien est là devant lui, le mal est devant lui. C'est comme quelqu'un qui fume. Quand quelqu'un fume, tout le monde sait aujourd'hui à l'unanimité que le tabac tue et est nuisible pour la santé. Donc les gens peuvent dire « je fume ou je ne fume pas ». Des gens vont aller fumer et qui ne disent pas c'est la marque de cigarette qui m'a forcé, c'est les publicités. Non, on dit c'est écrit sur les paquets de cigarettes que fumer tue ou nuit gravement la santé. Pourquoi tu fumes ? Fumer, c'est permis dans les lois des pays. Tu vas trouver le paquet de cigarettes en vente libre, dans les tabacs. Tout cela, ça t'a porté, mais personne ne t'a forcé à prendre une cigarette, la mettre dans ta bouche et l'allumer et la consommer. Ça, c'est ton choix à toi. Comme l'alcool. Par exemple, ici en France, l'alcool, il est là, il est vendu en vente libre. D'accord ? Mais qui t'a forcé à boire ? Personne. Les drogues qui sont là, même si elles ne sont pas encore en vente libre, ou plutôt certaines sont devenues en vente libre, c'est ce qu'on m'a dit, Quoi qu'il en soit, ils sont là, les dealers ils sont en bas, on les voit, les gens les connaissent. Ils savent où trouver ce qu'il leur faut. En toute facilité, et pourtant, personne ne les a forcés à agir. Ils peuvent, s'ils veulent, ne pas consommer. Donc, le serviteur a libre choix. وعموم هذا الحديث يقتضي أن جميع الأمراض الباطنة والظاهرة لها أدوية تقاومها وتدفع لها وتدفع ما لم ينزل وترفع ما نزل بالكلية أو تخفيفه. Donc ce hadith indique que toute forme de maladie, qu'elle soit une maladie apparente ou cachée, elles ont toutes un remède. Un remède soit qu'il les fait disparaître dans leur totalité ou qu'il les minimise. Qui les minimise. D'accord. Et il dit dans ce hadith, il y a une incitation à la science de la médecine, qui est une science qui est importante, qui est même indispensable. On a besoin de médecins. Ça, c'est évident. Mais la médecine réelle, sous toutes ses formes, tant qu'elle est halal. Car également, dans un hadith qui est venu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit « Inna Allah » لم يجعل الله شفاء فيما حرمه. Que Allah n'a pas mis de guérison ce qu'il a interdit. Pas les choses interdites. Alors quand je vais dans la médecine, on a plein de produits qui sont illicites. À base d'animaux, de chair morte, à base de porc, à base de, d'alcool. Et, d'accord ? Et là, je parle de l'alcool qui est consommable. D'accord, que la personne, par exemple, dans un médicament, il y a de l'alcool, s'il le boit, il sera ivre. Mathalane. Et autres. Et après, comme on l'expliquait, il y a des cas de daroura, de cécité, nécessité vitale. Ça, c'est encore autre chose. Donc ce hadith incite à apprendre la science de la médecine. Et c'est parmi les furud al-kifa'iyya, parmi les obligations communes. Si certains s'en occupent, d'autres n'ont pas à le faire. Sauf qu'aujourd'hui, les gens souvent sont intéressés par la médecine parce que c'est une science qui rapporte beaucoup d'argent. Ils n'ont pas vraiment le souci de la santé des gens. D'accord, c'est parce que la médecin c'est bien payé, c'est une bonne vie, c'est confortable. D'accord. Mais en réalité, celui qui fait médecin dans le but d'aider les gens, et il se base sur les, en premier lieu sur les, la médecine shari'iyya ou nabawiyya, la médecine prophétique ou autre, et ensuite il y ajoute les médecines nouvelles, modernes et autres, et qu'il y a une niya d'aider les musulmans pour qu'ils se portent mieux, ainsi de suite, alors lui, il sera récompensé pour son intention et sera profitable aux gens. Et par exemple, l'auteur dit qu'il y a des maladies que les gens pensaient incurables, comme à l'époque, Kassoul ou Nahwihi. Soul, c'est la tuberculose. À l'époque où la tuberculose est apparue, je ne sais pas il y a combien de temps, mais c'était une maladie qui était très dangereuse et mortelle, et qui faisait des. Qui causait des. Beaucoup de morts, des désastres, ou la peste également, la peste noire à son époque, tout ça. Ces maladies-là. Les gens les pensaient incurables à leur époque. Et ensuite, avec le temps, ils ont appris et ont fini par connaître le remède. Il y a même des maladies aujourd'hui dont les remèdes sont toujours inconnus. Mais on a dit bien inconnu, on ne dit pas inexistant, on dit inconnu. Même ce qu'ils appellent la maladie du sida, elle a un remède. Mais que des gens pensent que cette maladie n'existe pas. Ou la Covid, d'accord ? Cette maladie-là, ce virus, il a un remède. Et ainsi de suite. Bien de plusieurs formes de cancer qui aujourd'hui les gens n'arrivent pas à guérir, ils ont un remède. Mais on les ignore. Voilà, Kaza. Et ces maladies, l'auteur se précise qu'elles sont de deux formes. Tu as les maladies, l'amrad al-kalbiya, ou l'amrad al-jismiya, jasadiya. Tu as les maladies qui sont liées au cœur. Et quand je dis au cœur, c'est pas maladie. L'anatomie du cœur, je parle des ambiguïtés. Et on a des maladies qui, elles, sont liées au corps physique. Toute forme de maladie physique qui demande des médicaments, qui demande un médecin. Et celle du cœur, elle demande quoi ? Des savants. Car ces maladies du cœur sont les plus dangereuses. Car la maladie du corps, elle ne remettra pas en compte ta religion, bismillah ta'ala. Tu peux être très malade et être fort en religion. Il y a des gens qui sont en train de maladie. Qui les font souffrir et autres, et pourtant leur religion, alhamdoulilah, ils tiennent. D'accord ? Et le musulman n'échappe pas à cela. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est tombé malade. Il est tombé malade à maintes reprises, il a été blessé. C'est des choses qui sont inévitables. Mais cette maladie-là est une épreuve pour le serviteur, pour l'expier faute et autres. Mais cette maladie-là ne remet pas en question ta religion, contrairement aux maladies du cœur, comme l'innovation, comme la perversion, comme l'hypocrisie. Ce sont des maladies du cœur. Et malgré tout, ces maladies-là, également, elles ont un remède. Et le remède, c'est la tauba. Le remède, c'est le stikama. Le remède, c'est le rejoint d'Allah Azawajel. Le remède, c'est le dua. D'accord ? Il n'y a pas de pilule pour t'empêcher de avaler une pilule ou mettre une injection ou un vaccin anti-bid'a. Non, ça, c'est la sunna qui va t'empêcher. C'est le ilm. Apprendre la science et l'appliquer. Et les khalas qui vont te protéger de ce genre de choses. D'accord ? L'apostasie, il y a des causes pour s'en préserver. Par exemple, la hijra, c'est une cause qui préserve l'apostasie parce que rester au milieu des koufars, ça va t'amener à pouvoir avoir des ambiguïtés par la suite dans ta religion. La maladie de perversité, c'est quoi ? C'est prendre les causes qu'Allah Azawajal a mis en place pour nous empêcher de tomber dans le haram. C'est-à-dire que l'islam est venu pour couper court et fermer les portes. Donc n'allons pas ouvrir les portes pour tomber dans une maladie, un mal qui nous causerait une maladie du cœur. Comme des gens qui sont, masalen, par la suite, dans bien des addictions du fait qu'ils sont laissés aller au début et qu'ils n'ont pas appliqué la religion. Et par la suite, ils n'arrivent plus à se débarrasser de cette attirance qu'ils ont pour une chose. Que ce soit alcool, que ce soit drogue, que ce soit la musique, que ce soit... Ça, c'est une maladie du cœur, tout ça. Ça vient au cœur. Et ça, ça joue sur la religion par la suite. Ça joue sur la religion par la suite. Et il y a même des maladies, celui qui en meurt, il est shahid. Il y a des maladies, comme par exemple les maladies qui sont liées au ventre. Celui qui meurt de des maladies du ventre, il est shahid, il meurt martyr. Celui qui meurt du taroun, de la peste, il est martyr. Comme cela est dit dans des hadiths. Mais celles du cœur, elles sont dangereuses. Très dangereuses. Et l'auteur, il fait également allusion à cette règle qui est que Al-wiqaya khayr min al-shifa, que la prévention est meilleure que la guérison. Ça veut dire qu'avant qu'un mal ne te touche, fais les causes pour t'en préserver. Que ce soit les maladies du cœur, comme on vient d'en parler, celles du corps. Et la sunna nous a enseigné des comportements à avoir en mal situation justement pour nous préserver de bien des maux. Même des maladies du cœur. Du corps, je veux dire. Plein de choses que l'on fait en réalité sont des causes pour maintenir notre santé. Qu'on le sache ou non. Alors maintenant, on ne va pas dire qu'on fait la sunna pour avoir une bonne santé. Non, on fait la sunna par ta'abboudan, par dévotion pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette sunna nous, également nous apporte des protections, de bien des mots. D'accord ? De bien des mots. D'accord ? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que la shifa, la guérison, est dans plusieurs asbabs communs. El shifa fi salas, shortat muhjam, وشربة عسل أو كية بنار وفي الحبة السوداء شفاء من كل داء. Par exemple, il a dit que la guérison est dans trois choses. Dans la hijama, que vous connaissez. La hijama, c'est une grande cause de guérison. Elle a fait ses preuves. Ou dans le fait de consommer du miel. Et du bon miel. D'accord, du bon miel. Et aussi par le kei, ce qu'on appelle la cauterisation, qui amène à des brûlures en des parties précises. Mais cette chose-là est makro, elle est détestable parce qu'elle fait mal. Mais celui qui est contraint d'avoir à utiliser le kei, qu'il sache que c'est une chose qui a été reconnue. D'accord ? Mais elle fait mal. Et il dit également, dans la graine de nigel, il y a une guérison de tout mal. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir ? C'est quoi de quelle façon l'employer et quelles sont les doses ? C'est ça, en fait, qui nous manque. Les éléments sont là, mais on ne sait pas comment les utiliser. La graine de nigel, elle a des vertus qui sont extraordinaires. Mais elle a des secrets. Et que la graine de nigel peut également, comme des ulama ont dit, peut être nuisible. Si jamais tu l'utilises en excès, à forte consommation, elle peut te nuire. C'est comme tout médicament que tu vas prendre. Souvent, le médecin, il vient pour te donner la dose de médicament qui te correspond. Si tu en prends trop, ça va te nuire. Tu n'en prends pas assez, tu n'auras pas tu ne vas pas en trouver le bénéfice. Donc le médecin, il est là. Il va te dire telle dose durant tant de jours et tel médicament à tel milligramme. Pourquoi ? Pour avoir la juste dose. Si tu prends trop, ça va te nuire. Tu prends pas assez, tu ne trouveras pas le résultat. Et la shifa demande également de l'insistance, de persévérer, de patienter. Elle ne vient pas forcément directement. Des fois, elle prend du temps. Déjà, dans le hadith, un akhan, ou un rajoulan, j'ai le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un akhahu, j'taki batna. Fakala, est-ce qu'il y a asalan? Qu'un homme est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, mon frère souffre du ventre. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le dit, fais-lui boire du miel. Cet homme est parti voir son frère, il a fait boire du miel. Le mal a continué. Il est retourné auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, mon frère a mal au ventre. Il a dit, fais-lui boire du miel. Et cela 3 ou 4 fois de suite. À la fin, l'homme est revenu, il a dit, mon frère, il a mal au ventre. Il a dit, Sadakallah, wa kazaba botn abik, botn akhik, iskiya asala. Il a dit, Allah a dit vrai, et le ventre de ton frère a menti. Fais-lui boire du miel. Et là, cette fois-ci, le médicament a fait effet. Le médicament a fait effet. Donc, des fois, faut pas se précipiter non plus, dire, ouais, j'ai fait, ça n'a pas fonctionné. D'accord? Si le médicament est reconnu pour étant un remède efficace pour ce mal, alors persévère. Persévère dessus. Maintenant, si tu vois qu'il y a un mal qui apparaît, ça, c'est autre chose. Parce que des fois, tu as des gens, un médicament ne fait pas forcément effet sur eux. Mais cela ne veut pas dire que le médicament n'est pas bon. Peut-être que c'est avec eux, leur anatomie, il y a une chose qui fasse que ça n'aboutisse pas. Mais alors, à ce moment-là, ils passent à un autre médicament. Ainsi de suite, mais en revenant aux recommandations des experts et des professionnels. D'accord? Naam. Il cite également Al-Oud et les Hindi. Fihi sabatun ashfiya. Il y a également ce qu'on appelle le Oud et le Hindi. C'est comme le bâton indien. Il y a un bâton qui a beaucoup de vertus. Wa al-humam al-kayh ou fayh jahannam. Il y a la fièvre qui provient du feu de l'enfer. Celle-ci doit être diminuée par l'eau. Ce n'est pas toute fièvre. C'est la fièvre qui provient de la chaleur de l'enfer. Celle-ci est diminuée par l'eau. Vous voyez bien, souvent les anciens, ils avaient cette façon de faire, de mettre un gant mouillé sur le front du malade qui atteint de la fièvre. C'est des choses qu'ils ont appris des anciens. Et qui sont souvent qui est venu des prophètes antérieurs. Qu'ils ont su. Et qu'aujourd'hui, on trouve encore aujourd'hui. Donc cette fièvre est éteinte par l'eau. Maintenant, on dit que c'est pas toute fièvre qui est éteinte par l'eau. C'est la fièvre qui provient du feu de l'enfer. Il y a également un ruqya. Un ruqya qui est un bon moyen de guérison. Contre toute piqûre venimeuse, contre le mauvais œil, contre le sihr et autres. Il y a dans le ayn le fait de se laver avec l'eau, de l'eau d'eau du ayn, celui qui a porté l'œil à quelqu'un, qui fasse l'eau d'eau, comme cela est dans des hadiths, et que la personne se lave avec cette eau-là. Inch'Allah, il sera guéri. Bismillah ta'ala. Et plusieurs soins sont venus cités dans la sunna pour indiquer comment se guérir de bien des maux. Mais il faut que cela soit fait à juste dose, de la bonne façon. Des fois, tu as des médicaments, ils sont liés à un temps particulier, à une heure particulière, à une dose particulière. Par exemple, la sciatique, qui moi-même en était atteint. Il y a un hadith qui cite que la sciatique, elle a un remède. C'est quoi ? Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, aliyat ushat arabiya tuzab wa tujazu salasa ajza summa yushrabu ala riq salasa ayyam. C'est le fait de prendre la queue d'un mouton de la campagne dans les pays arabes. Il a dit sha arabiya, c'est pas n'importe quel mouton. Regardez bien déjà, il y a des particularités à prendre en compte. C'est un mouton chez les moutons arabes. Pas les moutons qu'il y a en Normandie ou en Bretagne, je ne sais où, c'est les moutons arabes dans les pays arabes. Et ce n'est pas n'importe quel mouton pays arabe, ce sont les moutons qui sont dans la campagne, qui sont nourris d'aliments secs, pas ceux qui mangent de la verdure. Il faut les prendre la queue. Cette queue, vous voyez, c'est un gros bout de graisse qu'il y a. Cette graisse, il faut la couper, il faut la faire fondre. Pour pas qu'elle devienne comme de l'huile, la faire fondre. D'accord ? Après, diviser cette graisse-là, ce liquide, cette huile, en 3 parties. Et chaque jour, on doit boire un tiers de cette huile à jeun. Pendant 3 jours à jeun. Donc ce n'est pas n'importe quelle façon qu'il faut le faire. Moi, je vous le dis, j'ai testé. Hein, j'avais une sciatique pour un mal que j'ai toujours aujourd'hui. Mais la sciatique, elle est partie. J'ai d'autres douleurs. Mais cette chose-là, je l'ai faite. Et bien, je vous dis que la sciatique, elle est partie. Hein? Ça ne m'a pas guéri de tout mon mal. Mais la sciatique, la douleur de la sciatique que j'avais en particulier, elle est partie. Et d'autres gens ont fait également le même... ont procédé au même... ont fait le même moyen de guérison. Et alhamdoulilah, ça fait ses effets. Plusieurs frères ont eu de la sciatique, ils ont fait cela, c'est parti. D'autres avaient la sciatique ou autre, ont fait des hijamas, c'est parti. D'accord? Donc tout cela vient. Et des fois, Allah Azzawajal fait que la maladie elle dure longtemps pour une épreuve, pour une hikmah, pour une sagesse, ou que la personne doit faire tel voyage, faire des telles choses pour l'emmener à des choses qui sont liées à son destin, pour des situations qu'il doit vivre. Mais il fait les causes pour se guérir autant que possible. Maintenant, la guérison, tant là, ils ont fait ils ont tenté de se guérir, ils sont morts malades. Même leur maladie les a tués. C'est quand Allah machafaral. C'est une chose là qu'Allah a voulu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est mort empoisonné par ce poison qu'une juive avait mis dans sa nourriture. Et pourtant, un sahabi avait mangé la même nourriture que lui, il est mort. Peu de temps après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne lui est pas mort tout de suite. Il est mort par la suite. Des affres, justement, de ce poison. Combien de sahabas sont morts de maladie? Donc, ne pas dire que quelqu'un est mort d'une maladie ne veut pas dire qu'elle est incurable. C'est qu'Allah a la cote d'or que lui devait mourir de cette maladie-là. Même s'il a fait les soins, il a la cote d'or que lui, mais ça veut pas dire que les autres personnes ne doivent pas prendre le même soin que lui et se faire guérir. Hada. Donc, il n'y a pas un mal sans qu'il y ait un remède. Que ce soit le mal qui est lié au corps, mal corporel, ou au mal qui est lié au cœur. Ouah. L'aura su celui qui aura su, et l'aura ignoré celui qui aura ignoré. Nam. Taïb. Donc on va s'arrêter là. Tout à l'heure, Inch'Allah, on se retrouvera pour le dance de Arba'in Nawawiyah, qui sera vers les 20h10 par là, également, Bismillah Ta'ala, 20h05, après le Maghrib, le temps de faire le Maghrib, et après de se rendre sur le lieu du dance. Et Hakada. Et là, désormais, le dance du vendredi, de la beauté des cœurs, finalement sera le mercredi. D'accord, ce sera le mercredi que je ferai ce dirs là de ce livre-là. À quelle heure je vous en informerai en temps et en heure. Soit ce sera après le Dhor, ou soit Maghrib Isha, je l'annoncerai. Mais le vendredi, maintenant, il n'y aura qu'un seul dirs. Ce sera Arba'in Nawawiyah, le soir entre le Maghrib et Isha. Et ce dirs là du vendredi, la beauté des cœurs sera reportée et aura lieu le mercredi. D'accord, il aura lieu le mercredi, Bismillah Ta'ala. Non. فنكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته